je changerai de vie. Si tu me le demandais, sur toi je veillerai jour et nuit. J'écrirai des sérénades pour te chanter ma flamme. Je lèverai des bas.